Il y a un petit mot très utile et très utilisé en allemand. C'est gern. Gern, ça s'écrit G-E-R-N. Gern. Et ça veut dire volontiers, avec plaisir. Vous pouvez l'utiliser après presque tous les verbes pour indiquer que l'action est faite avec plaisir. Par exemple, pour dire j'aime faire ça en allemand, vous direz je le fais volontiers, avec plaisir. Avec gern, vous mettez du plaisir dans l'action. Ich tue es gern ou sehr gern, ça veut dire j'aime le faire, j'aime beaucoup le faire, je le fais très volontiers. Ich tue es sehr gern. J'aime le voir, je le vois très volontiers. Ich sehe. Ich sehe. Oui. Ich sehe. Je le vois très volontiers. Ich sehe es gern. Oui. Ich sehe es gern. Et même très volontiers. Sehr gern. Ich sehe es sehr gern. Oui. Ich sehe es sehr gern. Comment diriez-vous j'aime aller là-bas? C'est-à-dire je vais volontiers là-bas. Pour là-bas, vous avez dorthin, qui indique un mouvement vers une direction éloignée. Ich gehe gern dorthin. Oui, ich gehe gern dorthin. Et maintenant, pour dire j'aimerais aller là-bas avec vous, en allemand on dira je vais aller, j'irai très volontiers là-bas avec vous, c'est-à-dire Ich werde. Bien, ich werde. Très volontiers. Sehr gern. Aller là-bas avec vous. Avec vous. Mit sie. Non, avec mit, vous utilisez in. Mit ihnen. Mit ihnen. Bien. Ich werde sehr gern mit ihnen. Aller là-bas. Gehen. Le second verbe vient à la fin. Là-bas. Dorthin gehen. D'accord. Ich werde sehr gern mit Ihnen dorthin gehen. Ich werde sehr gern mit Ihnen dorthin gehen. Donc, ici, vous avez le gern, sehr gern, qui signifie que vous ferez l'action très volontiers. Donc, j'irai très volontiers avec vous là-bas. Ich werde sehr gern mit Ihnen dorthin gehen. Vous pouvez aussi utiliser le mot « gern » tout seul. Par exemple, si l'on vous demande « Voulez-vous manger avec moi ?» Comment dira-t-on « Voulez-vous manger avec moi ?» Wollen Sie mit mir essen ? Bien. Wollen Sie bitte mit mir essen ? Et la réponse pourrait être « Oh, très volontiers !» Sehr gern. Sehr gern. Ja, danke, sehr gern. Encore une fois? Sehr gern. Ja, danke. Sehr gern. Danke signifie merci. Danke et danke sehr, c'est merci beaucoup, danke sehr. Parfois, vous entendrez aussi danke schön, c'est-à-dire merci bien. On avait vu schön dans le sens de beau, belle, mais schön veut aussi dire bien. Donc, danke schön, c'est merci bien. Vielen Dank est également courant. Ça vient de viel, nombreux, beaucoup de, donc vielen Dank, vielen Dank.